Dis donc, il est giron ton petit sommelier. Le bon cru. Yo, I never fucked Wayne, I never fucked Drake. All my life, man, fuck's sake. If I did, I'd menage with him and let him eat my ass like a cupcake. My man fool, he just ate. I don't duck nobody but tape. Yeah, that was a setup for a punchline on duct tape. Worry about if my butt fake. Worry about y'all niggas are straight. These girls are my sons, John and Kate. Plus eight, when I walk in, sit up straight. I don't give a fuck if I was late. Dinner with my man on a G5 is my idea of an update. Hut one, hut two. Big titties, big butt two. Fuck with them real niggas who don't tell niggas what they up to. Had to show bitches where the top is. Ring finger where the rock is. These hoes couldn't test me, even if the name was Pop Quiz. Mad bitches who I fuck with. Mad bitches we don't fuck with. I don't fuck with them chickens unless they last name is Cutlet. Let it soak in like seasoning. And tell them bitches blow me Lance Stevenson. Freeze every bottle and cup in the sky. Sparks in the air like the 4th of July. Nothing but bad bitches in here tonight. Oh, if you lame and you know it, be quiet. Nothing but real niggas only. Bad bitches only. Rich niggas only, independent bitches only, boss niggas only, thick bitches only. I got my real niggas here by my side, only. I never fuck Nikki cause she got a man. But when that's over, then I'm first in line. And the other day in her Maybach, I thought, goddamn, this is the perfect time. We had just come from that video. You know, LA traffic had a city slow. She was sitting down on that big butt, but I was still staring at the titties, though. Yeah, low-key and maybe high-key. I been peeped that you like me, you know? Who the fuck you really wanna be with besides me? I mean, it doesn't take much for us to do this shit quietly, I mean. She say I'm obsessed with thick women, and I agree. Yeah, that's right. I like my girls BBW. Yeah, type that wanna suck you dry and then eat some lunch with you. Yeah, so thick that everybody else in the room is so uncomfortable. Ass on Houston, Texas, but the face look just like Claire Huxtable. Oh, yeah. You the man in the city when the mayor fuck with you. The NBA players fuck with you. The badass bitches doing makeup and hair fuck with you. Oh. That's cause I believe in something and I stand for it. And Nikki, if you ever try to fuck, just give me the heads up so I can plan for it. Freeze every bottle and cup in the sky. Hey. Sparks in the air like the 4th of July. Nothing but bad bitches in here tonight. Oh, if you lame and you know it, be quiet. Nothing but real niggas only. Bad bitches only. Rich niggas only, independent bitches only, boss niggas only, thick bitches only. I got my real niggas here by my side, only. I never fucked Nick and that's fucked up. If I did fuck, she'd be fucked up. Whoever is hitting ain't hitting it right, cause she act like she need dick in her life. That's another story, I'm no storyteller. I piss greatness like gold is yellow. All my goons so overzealous. I'm from Holly Grove, the holy mecca. To say I got money for days. I sperm and I shake, but I'm stuck in my waist. My girlfriend would beat a bitch up if she wave. They better not fuck with her surfboard. Surfboard, my eyes just so bright, I take cover for shade. Don't have my money, take mothers instead. You got the hiccups, you swallow the truth. Then I make you bird boy. Creepy flex, sirloin. I'm talking about running in houses with army guns. So think about your son and daughter rooms. Got two hoes with me, messed up, they got smaller guns. Ain't thinking about your son and daughter rooms. This shit is crazy, money. I'm embracing my nigga, that money talk, I just rephrasing my nigga. Blood gang, take the B out, behavior, my nigga. For reals, if you mouth off, I blow your face off. I'm being pop, pop, pop, then I take off. Nigga, now you see me, nigga, now you don't. Like Jamie Foxx, acting like Ray Charles. 16 in a clip, one in a chamber. 17 wall bullet with 17 bullets. My story is how I went from poor me to police pour me a drink and celebrate with Freeze me. Raise every bottle and cup in the sky. Sparks in the air like the 4th of July. Nothing but bad bitches in here tonight. Oh, if you lame and you know it, be quiet. Young Moolah, baby. Nothing but real niggas only. Bad bitches only. Rich niggas only. Independent bitches only. Boss niggas only. Thick bitches. bitches only. I got my real niggas here by my side. Only. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Les Bons Crus. Bonsoir. Avec Julien et Jérôme pour vous servir. Juste. Est-ce qu'on peut souhaiter un bon anniversaire à Gucci Mane? 40 ans aujourd'hui. 40 ans, ça se fête. Exact. Incroyable, il se l'est souhaité à lui-même sur Twitter. Magnifiquement dit en plus. Exact. On vient d'écouter un morceau qui débutait très fort et qui finissait un peu mollement avec Chris Brown, mais ouais. Entrée fracassante de Nicki Minaj. Exact. Et ça annonce un peu le thème en réaction à une petite actu virale. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, cet été, il y a un classement des 50 meilleurs rappeurs qui est sorti sur Internet. Et bon, personne n'était d'accord avec ce classement. On ne savait pas trop qui l'avait fait en plus. Et du coup, tout le monde a commencé à faire le sien. Et là, il y a la même chose pour les rappeuses. Ouais. Et la première, c'est Nicki Minaj. Mais ouais. Je sais pas, donc moi je vous propose, donc on va faire une émission dédiée aux rappeuses, les meilleures, en tout cas celles qu'on préfère, et puis je vous propose aussi déjà de découvrir le top 10. Ouais, exact, tu veux que je le dise ? Ouais, vas-y Julien. Ok, donc je pense que, enfin, c'est selon les goûts de la personne qui l'a fait. Mais je pense que c'est plusieurs personnes, hein. c'est sorti sur plusieurs pense, sites, ouais. Après voilà. Après... Moi, je suis pas d'accord, je préfère le dire à l'avance, mais je vais le donner. Donc, c'est première, Nicki Minaj. Deuxième, Missy Elliott. Troisième, Lil Kim. Alors, je t'arrête déjà. Ce top 3, il est quand même assez honorable. Ouais, celui-là, oui. Mais c'est après, tu vois. Quatrième, Queen Latifah. Je suis pas du tout d'accord, elle fait pas du tout de rap. Enfin. Elle rappait, mais c'était vraiment à l'ancienne, quoi. Vraiment. Pareil, cinquième, Lauryn Hill. Je suis pas d'accord, c'est une chanteuse, Lauryn Hill. Pour moi, à mes yeux, en tout cas. Ouais. Pour moi, c'était du rap. Après, c'était vraiment plus... c'est vrai que c'était chanté, beaucoup chanté, mais... Mm. Bon, vas-y, on continue. Sixième, Eve. Ouais. Bon, là, je peux comprendre. Septième, Salt and Peppa. Pareil, hein, c'est... Ouais. En fait, c'est beaucoup de rappeuses, là, plus on le lit. De l'ancienne, ouais. Et qu'on n'écoute plus du tout. Bah ouais, c'est dépassé. Huitième, MC Light, dépassé. Après, le neuvième, je vais mal le prononcer parce que je le connais même pas. C'est Lisa Left Eye Lopez. Voilà, ouais, ok. Pareil, et dixième, Young M.A. Voilà. Et donc, dans les dix premières, bah, y a peu de rappeurs de la nouvelle génération déjà. Ouais, très peu de rappeurs représentés sur la scène que l'on peut écouter maintenant. Enfin, rappeuses. Rappeuses, ouais. Excuse-moi. Que l'on peut entendre maintenant, pas forcément qu'à la radio, mais tourner pareil dans les podcasts, les machins et tout ça, quoi. Y a... très peu, à part Nicki Minaj qui avait dit en plus qu'elle arrêtait le rap il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Donc si on veut un peu écouter la nouvelle génération, il faut descendre à la 14e place. Donc c'est un top 50, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup. 14e, on a Remy Ma. Non, même. Attends, je dis ouais, des ouais, bêtises. Ouais, si, c'est, si. C'est quand bah, même, Young M.A. Young M.A. Non, à la 10e place, Young M.A. quand même. Ouais, mais même après, tu vois, faut descendre, tu vois, 15e Cardi B. Ouais. Pfff. Je trouve que c'est sévère pour elle, même si peut-être qu'elle débute par rapport à une carrière. Alors, s'il se base sur la carrière, forcément, Nicki Minaj, elle a une carrière plus que toute. Même moi, pas plus que finalement, pas plus que Lauryn Hill, mais dans le rap. Le titre du truc, c'est Greatest Female Rapper of All Time. Enfin, tu vois, genre les meilleures rappeuses. Donc, c'est la technique de rap, tu vois, pour moi, qu'on juge. Je sais pas. Est-ce que c'est aussi peut-être basé sur les ventes ? Non, je pense que. Enfin, là, si c'était sur les ventes. Enfin, on n'aurait pas le même top là. Enfin, bah, je sais Light, pas. Je suis pas sûr. Enfin, peut-être je dis des conneries. Hein. Mais à l'époque, peut-être que c'était plus de physique. Tu vois, je sais pas sur quoi ils sont. Ça serait bien qu'ils auraient. Mais Cardi dû... B, elle en a vendu quand même. Ouais, mais pas autant que Nicki Minaj. Mais plus que Young M.A. je pense. Ouais, j'avoue. Bien plus que Young M.A. Ouais, c'est possible. Ben, franchement, je sais pas. Bon, donc voilà. Après, quand même, voilà, on a passé Nicki Minaj parce que je pense qu'on est assez d'accord pour dire que c'est la meilleure. Ouais, alors en termes d'aura, même si elle commence à se faire détrôner un peu. Top 5. Ouais, top 5, sans discussion. Sans discussion, c'est pour ça que je suis top 5. Même moi, je dirais podium, mais après... Même première, moi, ça me va. Parce qu'il y a vraiment des morceaux où elle m'a traumatisé. Bah, là, le Only, vraiment, elle est très très forte dessus. Il y avait Monster à l'époque. Ouais, mais elle a... Après, elle a fait beaucoup aussi de morceaux pop, beaucoup moins intéressants et tout. Ouais, mais elle a quand même un bon répertoire de très très bons morceaux. Hein. Ouais. Et elle rappe très très bien. Elle rappe très bien. Je pense qu'en fait, le problème de cette jeune femme... c'est peut-être son, en fait c'est son l'ego. Image, c'est son image de personne inaccessible et surtout pas très sympathique, et que je pense que tu vois une femme comme Cardi B a plus justement ce côté sympathique et authentique que, et plus accessible que l'autre n'a pas, ouais, et je pense clair. Que c'est pour ça qu'elle est en train de perdre de la vitesse, parce que c'est ce côté austère en fait, ouais. Non, et les gens ils aiment pas les gens austères, ouais. Pas, ça dépend qui, mais ouais, non, mais je suis assez d'accord. Pourtant, après, niveau rap, elle a rien à prouver. Elle rappe absolument bien, peut-être même mieux que Cardi B, ça, je sais pas. Mais... Bon, on va revoir un peu, on va reparler de ce top, mais on va déjà passer un peu de musique. Rendre hommage à d'autres rappeuses un peu légendaire. Moins connues, ouais, mais tout aussi légendaires. Ouais. On avait pensé à donc Gangsta Boo, qui fait partie de qui faisait partie de la Swiss Mafia. Et Lil Kim. Ouais, bah Lil Kim, moi j'ai choisi un morceau, enfin Gangsta Boo, tu m'avais dit que tu prenais, donc j'ai pas cherché à non plus à mettre, enfin si je t'en avais mis un, je crois, je sais plus. Enfin bref, Lil Kim j'ai choisi parce que c'est la, pour moi, à mes yeux, la première de toutes ces rappeuses de nouvelle génération qui peuvent faire un peu des rimes salaces, des machins et tout ça. C'était un peu pour moi, à mes yeux, la première qui a, enfin peut-être pas la première parce qu'il y a toujours... des gens qui le font avant les elle autres. A amené un truc, mais elle a amené ce truc, tu sais, un peu bitchy, tu vois, et toute la façon de s'habiller et tout ça. Enfin, tu regardes Lil Kim à l'époque, c'est une Cardi B. Maintenant, Cardi B, c'est une. Enfin, Cardi B ou Nicki Minaj, c'est des 2.0 de Lil Kim au final. C'est ça. Un peu, je trouve. Ouais, complètement. C'est leur... En fait, elle a amené le sexe dans le rap. Le sexe, le côté, oui, le côté provocateur sexuel dans le rap. Et femme forte, tu sais. Et sans être une chanteuse R&B. Ouais, mais et sans être, tu sais, femme... soumise. Soumise, voilà. Ouais. C'est femme forte, femme qui a des couilles, quoi. Enfin, au final. Ah non, mais c'est clair, elle a posé les bases, en tout cas, pour ce qui est devenu Nicki Minaj ou Cardi B. Donc, le morceau que tu avais choisi, c'était Big Mama Thang. Donc, vraiment... Plus gros hit, un des plus gros hits. Et pour dire quelques mots aussi sur Gangsta Boo, donc elle est quand même beaucoup moins connue, sauf pour les gens qui écoutent vraiment beaucoup de rap. Elle, c'est pareil, mais pas tant au niveau du sexe, mais d'avoir eu un côté très gangster. Très... Ouais, parce qu'en fait, la Swiss Six, c'était quand même des paroles assez dures et horribles. Mais c'était surtout noir, en fait. C'était moins enjolivé que ce que pouvait être Lil Kim. Mais après, quand t'écoutes Gangsta Boo, elle dit tout autant de choses sexuelles dans ses paroles. C'est différent. C'est une autre chose. Par contre, niveau technique de rap, je pense que Gangsta Boo est largement supérieur à Lil Kim. Lil Kim est plutôt limitée, je trouve, en rap, même si elle a fait des très très bons elle morceaux. Elle avait l'aura, elle avait le style, le charisme et tout, mais... Elle avait un truc. Mais Gangsta Boo, c'est clairement une démonstration de... Pour moi, c'est une des meilleures rappeuses femmes qui peut exister. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... C'est clair. Et là, on va passer Late Night Tip. Donc, c'est un morceau d'Astro Six, mais son couplet est vraiment très très fort. C'est légendaire, couplet légendaire. Et ça parle de sexe aussi, comme Lil Kim, donc voilà. Deux morceaux qu'on vous laisse déguster. You got it going on. You got it going on. You got it going on. You got it going on. I used to be scared of the dick. Now I throw lips to the shit. Handle it like a real bitch. Hunter, Janet Jack me, take it in the bud. Yes, yes, what? I got land in Switzerland. Even got sand in the Maryland. Bahamas in the spring. Baby, it's a big mama thing. Can't tell by the diamonds in my ring. That's how many times I wanna come. 21 and another one and another one and another one. 24 carats, nigga. That's when I'm fucking with the average nigga. Word to Shaq. Brothers be back and old. Don't you like the way I roll? And play with my pussy. Tell me what's on your mind when your tongue's in the pussy. Is it marriage? Baby carriage? Shit, no. On a dime, shit is mine. Got to keep them coming all the time. Why? Killers be quiet. My niggas bring the riots. Tough talk, tough walk, shit is tired. You wanna be this queen, be what you can. trust you in the studio with me. Don't they know I'm trying to set you continuously? Pull a high power cool, make you jump ship. Lead who you with, run with the Rockefeller crew. Trick you for the cheese, tear your boom up. Spread an ill rumor, make you flip on little Z's. Twist you backwards, get the dough from your platinum hits. Rock little Kim hats and shit. I guess down and dirty for the dough, I got love. And Big know it, he must got the studio bug. Probably as we speak, he's on his way up the street with the mafia thugs and all types of heat. But I ain't trying to beef, I'm just trying to eat. And horizontally, the way I hold my eye is sweet. And them my niggas, but I like the sound. Little Kim and Jigga sound like figures. Killers be quiet, my niggas bring the riots. Tough talk, tough walk, shit is tired. You wanna be this queen bee, but you can't be. That's why you're mad at me. Killers be quiet, my niggas bring the riots. Tough talk, tough walk, shit is tired. You wanna be this queen bee, but you can't be. That's why you're mad at me. Before I caught some niggas' disease, got caught with his keys. Big scooped a young bitch off her knees. Threw me in high price bees. Face on TV, it's platinum CDs. Shit, I never fit. Saw nigga wood, pussy greased up. Stack the G's up, keeps the knees up. What the fuck? Stay feeling half a million. Geneva Diva, yeah, I throws it down. Lay around, clown, the clock stops for no one. Never 68 and 01. Takes one to no one. Better off with the Playboy magazine. Fucking with the dog, push the keys. GS3's the apes. Y'all ride crates, state to state. Pretend it takes mad dimes from New York to Anaheim. While you daydreaming wine, I just keep getting mine. And I'm married to this. Y'all strategy list and still planning weddings. Mafioso bettings, all the bullshit. Any type of threatens to bullshit. Killers be quiet, my niggas bring the riots. Tough talk, tough walk, shit is tired. You wanna be this queen bee, but you can't be. That's why you're mad at me. Killers be quiet, my niggas bring the riots. Tough talk, tough walk, shit is tired. You wanna be this queen bee, but you can't be. That's why you're mad at me. Killers be quiet, my niggas bring the riots. Tough talk, tough walk, shit is tired. You wanna be this queen bee, but you can't be. That's why you're mad at me. Killers be quiet, my niggas bring the riots. Tough talk, tough walk, shit is tired. You wanna let me just take you somewhere secret. Gonna cut all of the lights down, don't forget all about your boy. We gonna just flow with what we feel. Let's share a few private thoughts. I'm not just out for your sex. Let me simplify the things in life that you find complex. Forget what you heard about me, cause you're a scarecrow groupie. But there's no pressure on you, cause you know what you must do. Check this out, let's have a drink and I'll give you time to think. Let me puff this Buddha blunt and cut on this porno bump. Girl, come lounge here by my side tonight. You're my devil's bride and there's a freak deep inside. Have no shame, no need to hide. Why do you keep on blushing? Get it all like a slushy. She must be kind of tipsy. I'm this crystal like a gypsy. Now I got her on all fours, about to break down the headboard. Crash the sprawl on through the wall. Now she howling like a dog. Sweat forward, we hit the floor. It don't quit, another one ripped. It's just another victim of your infamous late night tip. I'm not the type that get involved in long relationships. Taking trips and buying gifts, I'm sorry I'm not on that tip. If you want romance, you should just stick who you already will. If you in that mood, you can't just hit me on that late night tip. I'm not the type that get involved in long relationships. Taking trips and buying gifts, I'm sorry I'm not on that tip. If you want romance, you should just stick who you already will. If you in that mood, can't just hear me on that late night chat. I done seen some funny shh since I got in this game. They wants my crib, they wants my kisses, I done got my fame. I never recall you asking your last boyfriend for Nathan, but not the big bourbon on gold got you aggravated. I need a coach bag. I can't be even doing it. I need my hair done. Me too, I ain't got nothing to do with it. I've been through with it, you and it since the first time you asked. And might I add, players like me can't be saving you rats. I ain't with that nonsense or that lovey-dovey mess. Feeling kinda like calling all I want is sex. Slip on Victoria's Secret, hit the liquor store before it closed. Call Chris so I can get something white to go up in my. Now I'm feeling fine, nothing but sex is on my mind. If you cannot please me, boy, then please don't waste all of my time. Got you caught up in the mist, mystic girl from Triple. Late night tip is all we have. It's time to trick that sick. I'm not the type that get involved in long relationships. Why? Taking trips and buying gifts, I'm sorry, I'm not on that tip. What? If you want romance, you should just stick who you already okay. will. If you in that mood, you can't just hit me on that late night tip. Whoa. I'm not the type that get involved in long relationships. Why? Taking trips and buying gifts, I'm sorry, I'm not on that tip. What? If you want romance, you should just stick who you already okay. will. If in that mood, you can't just hit me on that late night chip. I can't understand why these boss be tripping. Can't stand the heat, get out of the kitchen. Baller and my legs drop low to the ground. Just a young player trying to put my beard in. Freaks want a trick, they be constantly paying. Not a girl thug, they be constantly laying. Rainbow in on a summer motel. Oh well, that's where the juice may stay in. Gotta have a lady that wanna do what I do. Like skipping work or love cutting high school. Serving all the players in the 3-6 mafia. Cam caught her on skinny dipping in the swimming pool. Never trying to argue, bop you up, fight. Keep a pack of Jimmy hash. Strapped on real tight, Fever Alize, all tall, kind of butt like just for your freaks on the moonlight. Late night. 3-6, who's there bumping that music? Hypnotizing group, I tell you who, I'm about to lose it. Could it be that late night crew time? Just inside the party, always kinda lonely, someone want me hold me. I say, come here, come here, come here, the cooster crying tears. I can't think positive when no one cares of how I feel. Realize my mind so tired that I even try to fight. I cannot lie though, I can ride high late night. I'm not the type that get involved in long relationships. Why? Taking trips and buying gifts, I'm sorry I'm not on that tip. What? If you want romance, you should just stick who you already okay. will. If you in that mood, you can't just hit me on that late night tip. I'm not the type that get involved in long relationships. Why? Taking trips and buying gifts, I'm sorry I'm not on that tip. What? If you want romance, you should just stick who you already okay. will. If you in that mood, you can't just hit me on that late night tip. Et vous êtes toujours dans les bons crus. Et donc là, c'était 3-6. Et donc, on parlait de Gangsta Boo juste avant. Exact. Bon, désolé pour la version censurée. Spotify n'aime pas. Ouais. N'accepte pas ce que dit Gangsta Boo. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, on parlait de Cardi B, toi qui es une de tes favorites actuellement. Ouais, moi j'aime beaucoup, mais c'est pas le cas de beaucoup de... Enfin... Quand j'en parle autour de moi, en tout cas, les gens sont pas aussi à fond que moi je peux l'être dessus. Mais moi, je trouve vraiment ça bien. Je trouve ça vraiment bien, quoi. L'album, tu l'avais bien. Ouais, j'avais kiffé de ouf. Après, j'attends un nouvel album. Là, les singles, ça va. Même ces trucs avec Bruno Mars, tu vois. Pourtant, je suis pas très fan. Mais là, je trouve ça passe. Tu vois, quand imagine, j'ai la radio, tu vois, dans la voiture, je zappe pas, tu vois. Je les écoute. Ouais. Ça s'écoute. Je trouve qu'elle fait le taf, en fait. Ah, sur non, tous clairement. Les morceaux où elle fait le taf. Après, j'avoue que ça m'avait... En fait, c'était un peu saoulant cette guéguerre avec Nicki Minaj. Mais bon, c'est Nicki Minaj le problème. C'est elle qui avait ouais. trop d'ego, qui n'a pas voulu laisser de place aux autres. Mais bon, il y en a quand même avec qui elle arrive encore à fitter, notamment Megan Thee Stallion, mm. Qui est la petite nouvelle. Elle est très jeune. Parce qu'elle n'est pas aussi connue qu'elle, c'est pour ça ouais, qu'elle elle n'est pas bien. Encore aussi connue, mais elle va clairement un peu sur le même terrain. En fait, Nicki Minaj, ça me fait penser un peu à un Booba pour la France, tu vois, tu sais, qui est jaloux de tout le monde, tu vois ce que je veux dire, et qui... Même ouais, j'adore Booba, hein, c'est... Ouais, mais il y a un peu de ça, ouais. Mais tu sais, dès qu'il y en a un mec qui est un peu plus chaud que lui, ben bah, ça y est, il en a marre, tu vois. Ouais. Il accepte pas. Après, c'est que mon avis, hein. Ouais. Non, mais c'est clair. Mais bon, du coup, avec Megan Thee Stallion, ça se passe bien, elles ont fait des singles, donc elle, je crois qu'elle vient de Memphis, si je dis pas de bêtises, et... Elle est produite en partie aussi par Juicy J, du coup. Mmh. Toujours à Suicide Six, hein, on fait le lien. Et j'ai bien aimé un truc qu'elle a sorti récemment. Elle a fait un Tiny Desk Concert. Mmh. Donc les concerts là, sur la chaîne NPR. C'est vachement bien. Donc là, ces morceaux, ils prenaient une autre tournure avec une instrumentalisation. Quoi. Okay. Vraiment très lourd. Sa dernière mixtape, là, Fever, vraiment c'était lourd. Après, voilà, elle a son style. C'est, on va dire, du rap de strip club. On apprécie. Ouais. et je trouve qu'elle a ses propres, elle a trouvé ses propres adlibs, même si c'est répétitif. Mmh. J'aime beaucoup. Après, je peux pas écouter tout un album en entier. Mais tu vois, elle était sur l'album de Da Baby, elle a un featuring là, avec Young Nudy qui est vraiment cool aussi. Enfin, elle fait plein de featuring et franchement, elle s'en sort bien à chaque fois. Vraiment très forte. Et pour la petite histoire, j'avais lu que en fait, elle voulait faire du rap très jeune et aussi un peu vulgaire et tout. Et sa mère lui avait interdit de le faire avant qu'elle soit majeure. Et une fois qu'elle était majeure, bah, elle s'est donnée à fond. Et voilà, c'est le truc hyper sexué, très sexy, les strip clubs, enfin voilà. Et là, c'est totalement lâché. Voilà. Mais regardez la vidéo, si vous voulez la découvrir, NPR. On voit en fait qu'elle a l'air accessible, un peu comme Cardi B, ce que tu disais. T'as l'impression, ça peut être ta pote, elle a vraiment l'air cool. Et en même temps, d'un coup, elle switch dans son personnage de rappeuse. Où là, elle est très, très boss, vénère. Bossy, ouais, quoi. Très boss. Bon, on va écouter donc Money de Cardi B et juste après Freak Nasty de Megan Thee Stallion. Look, my bitch is all bad, my niggas all real. I ride in his dick in some big tall heels, big fat checks, big large bills. Run out flip like 10 car wheels. Cold ass bitch, I give raw chills. 10 different looks and my looks so kill. I kiss him in the mouth, I feel all grills. Heat in the car, that smells on wheels. Woo! I was born to flex. Yes. Diamonds on my neck. I like boarding jets. I like morning sex. But nothing in this world that I like more than checks. Money. All I really wanna see is the money. I don't really need the D, I need the money. All a bad bitch need is the money. I got pants in the coupe. Bustin' out the roof. I got pants in the coupe. Touch me, I'll shoot. Bow. Shake a little ass. Money. You get a little bag and take it to the store. Money. Get a little cash. Money. You shake it real fast. You get a little more. Money. I got pants in the coupe. Bussin' out the roof, I got bands in the coop. Bussin' out the roof, I gotta fly, I need a jet. Shit, I need room for my legs. I got a baby, I need some money. Yeah, I need cheese for my egg. All y'all bitches in trouble. Bring brass knuckles to the scuffle. I heard that Cardi went pop. Yeah, I did go pop. That's me bustin' that bubble. I'm the signing with the drip. Baby mommy with the clip. Walk out bodies with a bitch. Bring a thotty to the whip. Is she fine or she fake? God damn, walking past the mirror. Ooh. Let a bitch try me, boom, boom. Hammer time, I was born to flex. Yes. Diamonds on my neck. I like boarding jets, I like morning sex. Woo. But nothing in this world that I like more than checks. Money. All I really wanna see is the money. I don't really need a D, I need the money. All a bad bitch need is the money. I got pants in the coupe. Bustin' out the roof. I got pants in the coupe. Touch me, I'll shoot. Bow. Shake a little ass. Money. You get a little bag and take it to the store. Money. Get a little cash. Money. You shake it real fast. You get a little more. Money. I got pants in the coupe. Bustin' out the roof. I got pants in the coupe. Touch me, I'll shoot. Bitch, oh, papa, you pop. Bitch, oh, papa, whoever. You know who popped the most shit? The people who shit not together. Okay. You know that Cardi a freak. All my pajamas is leather. Bitch, I will black on your ass. Yeah. Wakanda forever. Sweet like a honey bun, spit like a Tommy gun. Roll your one on one. Come get your mommy some Cardi at the tip top, bitch. Kiss the ring and kick rocks, sis. Jump it down, back it up. Ooh, ayy. Make that nigga put down 2K. I like my niggas dark like Deuce. He gonna eat this ass like soup. I was born to flex. Diamonds on my neck. I like boarding jets, I like morning sex. But nothing in this world that I like more than culture. All I really wanna see is the money. I don't really need a D, I need the money. All a bad bitch need is a KKC. Freak, freak. I'm running through your nigga house like the Tomb Raider. You gotta pass around, nigga, he a hot potato. I told him, eat it or get out, that's your ultimatum. But stop licking my pussy hard, that shit aggravating. He ain't mine, I just let him eat me out from time to time. Call it pussy booty tang, cause I got the runny kind. He can't compare me to none of these bitches. I got that Beyonce, that dream girl that listen. Freak, freak, freak nasty. Go a couple of rounds, leave that dick up in the casket. I ain't wanna take the nigga from you, it just happened. You know I ain't come, boy, if you had to ask me. Freak, freak, freak nasty. Dick on my hand, then I put it in his pants. Get the plan with that cock and make that motherfucker bam. And I walk and I talk like a pimp, cause I am. Call it Vuk Francais, tell my pussy, hey, huh. Fancy top, ain't he headed number eight. Stormy Daniels, head from the head of state. Hey, Tweety Lee, make it clap on his face. Hey, freak, freak, freak nasty. Ain't gon' get no pussy, but he hoping that he do. Walking all over the niggas, so he buy me all my shoes. Quick, calling him a trick if he only buy your food. Hey, freak, freak, freak nasty. Ice on my neck, let it drip down my chest. Looking at this motherfucking money make me wet. Rich bitch, pussy only come for a check. My contact list look like the yellow pages. I do not say these niggas' names, I remember faces. And I ain't fucked you in a minute, why you still claim me? But if he ever hit this pussy, he gon' still stop me. And if you got a new bitch, why you still calling? And I look better than that hoe, that's why she made you block me. I like to show off for them haters talking bad about me. Trying hard to find a car, but you still watching. Hey, freak nasty motherfucker. Kiss with the tongue, I don't wanna fuck a nigga if he ain't hung. He a lot of fun if he eat it night one. If he got a lot of funds, I'ma hit it like, money make me come, tryna give me some. Looking at these numbers on my checks like, Versace hottie, Creole mommy, She gon' fucking run, but the stally get it up. Freak, freak, freak nasty. Go a couple of rounds, leave that dick up in the casket. I ain't wanna take the nigga from you, it just happened. You know I ain't come, boy, if you had to ask me. Freak, freak, freak nasty. Lick on my hand, then I put it in his pants. Get the plan with that cock and make that motherfucker bam. Bam, bam. And I walk and I talk like a pimp, cause I am. Ay, pussy wet, diamonds on my neck. I'm a hot girl, so I make these niggas sweat. If you fucking with me, then you fucking with the best. If he say he a dog, I'ma treat him like a pet. John Neck told him give it to me quick. Who can love you like me, but nobody can't sweat. Rich bitch pussy, I can take you out of debt. Rich bitch pussy only come for a check. Freak, freak, freak nasty. Go a couple of rounds, put that dick up in the casket. Ay, ay, ay, ay. Freak, freak, freak, freak nasty. Et on s'ambiance toujours avec ces rappeuses, ouais, au flow totalement délicieux. Exactement. Franchement, là on vient d'écouter donc Cardi B et Megan Thee Stallion. Donc elles étaient 15e et 16e. Moi je les aurais mis un peu plus haut dans le classement. J'avoue. Place à la jeunesse, place aux nouvelles têtes d'affiche, quoi. Young M.A., toi, t'écoutes un petit peu ou... Un petit peu. Bah, un petit peu, pas de ouf, mais un petit peu. Il y avait le tube là, que j'avais écouté, comment ça s'appelait, Ouh là. Ouais. Mais après ça, j'avais pas trop suivi. Elle a mis du temps à sortir son premier album, qui est sorti là, 2019, et j'ai pas trop accroché, quoi. Ouais. Après, apparemment, c'est lourd. Hein. Ceux qui aiment son style, ils ont pas été déçus, en tout cas. Donc, Ouais, j'écoute pas mal. Il me semble, si je me trompe pas, c'est. Elle s'appelle Shawty, c'est la meuf de Quavo. Tu vois qui c'est ou pas ? Shawty, c'est une des City Girls ? Non, attends, non. C'est la meuf de Quavo. Tu as regardé, elle a sorti un album là il y a pas longtemps. Enfin, elle avait sorti un album en 2019, qui était vraiment lourd, et elle a sorti un juste là il y a pas très longtemps, qui était un petit peu moins bien, alors que je m'attendais vraiment à un truc qui pète. Voilà, c'est une petite meuf toute fine, là on dirait pas, mais en vrai, elle envoie la sauce. C'est assez marrant. Donc là, on va parler un peu de celle qu'on... En tout cas, de deux rappeuses qui n'ont pas fait une belle place dans le classement. Donc, il y a Iggy Azalea qui est en 50e. Bon, ouais, au moins, elle est dans le classement. Iggy Azalea, ouais, en 50e. Elle est dans le classement. Moi, en fait, quand c'est sorti, Bah, ouais. Ça date, hein. C'est 2014, 2015. Ouais, c'est ça. C'était vraiment lourd de ouf. Bah, c'était, de toute façon, c'était la hype de ouf. Enfin, ça, elle, franchement, elle a eu une com. Enfin, quand elle est arrivée, je veux dire, elle, ouais. elle a hyper bien marché. En fait, c'est une Australienne. Ouais, c'est une Australienne, ouais. Exactement. Et elle est arrivée à Miami et elle a fait son truc, quoi. Et... Par contre, on lui a beaucoup reproché l'appropriation culturelle. Parce qu'elle a pris le slang du sud et tout ça, enfin, toutes ces expressions. Maintenant, moi j'ai l'impression qu'elle a une démarche assez sincère, enfin, vu de l'extérieur, et qu'elle a kiffé, quoi, tu vois. En tout cas, elle kickait fort. Donc, on va passer un de ses morceaux. On va passer son. Et il y en a une autre aussi qui n'est pas dans le classement. Donc, c'est Likely 47. Donc, elle, pareil, elle a eu une hype à un moment donné, donc c'est une New Yorkaise. Elle porte tout le temps une cagoule, comme certains rappeurs français. Mais des cagoules très stylées, hein, de couturier et tout ça, enfin des trucs bon, un peu dans un délire aussi de sap et tout. Mais voilà, elle, pareil, après son grand tube, Money, elle n'a pas trop percé plus que ça. Donc en fait, c'est un peu des oubliés, quoi. Alors que je réécoute ça avec plaisir et puis c'est des espoirs qu'on jamais percé, quoi. Voilà, comme il y en a plein dans la musique, hein. Ouais. Comme il y en a plein. Mais bon, autant tu vois là dans le classement, il me donne la part belle à des rappeuses, on va dire un peu old school, que franchement j'ai beaucoup de mal à réécouter. Alors que dans le rap old school, il y a quand même pas mal de choses que je réécoute avec plaisir. Mais là, c'est vraiment des trucs qu'on mal vieilli, quoi. Ouais. Bon, du coup, on va passer ces deux rappeuses. Donc il y a On va commencer par Work de Iggy Azalea, ouais. Et on enchaîne avec Money de Likely. Walk a mile in these Louboutins, but they don't wear these shits where I'm from. I'm not hating, I'm just telling you. I'm trying to let you know what the fuck that I've been through. 2 feet in the red dirt, school skirt, sugar cane, back lane. Free job took years to save, but I got a ticket on that plane. People got a lot to say, but don't know shit about where I was made or how many floors that I had to scrub just to make it past where I am from. No, no, no, no money, no family. 16 in the middle of Miami. No money, no family. 16 in the middle of Miami. No money, no family. 16 in the middle of Miami. I've been up all night trying to get there rich. I've been work, work, work, work, working on my shit. Milk the whole game twice, gotta get it how I live. I've been work, work, work, work, working on my shit. Now get this work. Hustling and struggle is the only thing I'm trusting. Throw bread in the mud, break before the budget. White chick on a pack shit. My passion was ironic and my dreams were uncommon. Guess I gone crazy, first deal changed me. Rob line basically raped me. Most of the bullshit like a matador. Just made me madder and animate to go at him and even a skull. So I went harder, studied it harder till the deal was offered. Slept cold on the floor, recording at 4 a.m. Now I'm passing the bar like a liar. Immigrant or ignorant, your ill intent was insurance for my benefit. Hate to be inconsiderate, but the industry took my innocence. Too late, now I'm in this bitch. You don't know the half. This shit get real. Valley girls giving blowjobs for Louboutins. What you call that? Head over heels. No, no, no, no money, no family. 16 in the middle of Miami. No money, no family. 16 in the middle of Miami. No money, no family. 16 in the middle of Miami. I've been up all night trying to get there rich. I've been work, work, work, work, working on my shit. Milk the whole game twice, gotta get it how I live. I've been work, work, work, work, working on my shit. Now get this work. Ain't been easy, but she's to peasy for the weeks we lived out in Duffel. Bags is all we had to win, a thing for my mom, I love you. One day I'll pay you back for the sacrifice that you managed to muscle. 16, you sent me for customs. So, all aboard my spaceship to Mercury. Turn first, set the light that's in front of me. Cause every night I'ma do it like it's my last. It's dreaming Nancy, what up though? Brooklyn, home of the cutthroats. Notorious, y'all know how the rest go sleeping. One eye open, too smart cause I'm always scoping. Watching, seeing how these lames look lazy. This how you get your frame took. Money, I got money. Money, I got money. Talking, always talking. That's your problem, you always talking. Rockstar, mixed with a ghetto chick. Try me, I wish a nigga would, bitch, hold up. Who gon' hold us? Not the cemetery or the penitentiary. Damn, my contemporaries, I'm too legendary. It's so money, I got money. Money, I got money. I'm money. All my life I had to grind and hustle. I had to work like Kobe just to shine like Russell. They say, glad you made it, it happen overnight. They say, damn, you changed. I'm like, show you right, nigga, I been in the crib, trying to find the BPM. Rehearsing for the next show in my kitchen. Rush off for tour, but can't tell you where I been. Maybe after 20 years, I'll start to take it in. Right now, I'm chasing in, Dover Street again. I'm introverted, I'm not open to new friends. But if you're real cute, then I have to think again. Shop the runway so you can stay off trend and look like money. Money. Right, nigga, I got money. I got money. Money. I got money. I'm money. I got money. Money. I got money. Et on vient d'écouter donc Likely. Un autre tube qu'elle avait fait, que je vous recommande aussi, c'est Fuck the Summer Up. Je crois que c'est son premier gros single. Yes. Elle a été mise en avant à l'époque dans une playlist de Jay-Z, donc c'était comme ça qu'elle est un peu percée. On va passer un peu à des rappeuses françaises parce que. Bon, elles sont pas dans le classement, mais c'est un classement américain. Forcément. En même temps. Mais voilà, il y en a quand même. Il y en a plein. Il y en a plein. Après, bon. On va pas vous passer du Diams, hein, tout le monde connaît. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y en a, je trouve, il y en a plein, mais il n'y en a pas d'énormes grandes qualités. En fait, qui sortent vraiment du lot et qui durent dans le temps. Enfin, franchement, à part Diams, je vois pas. Après, aujourd'hui, dans la nouvelle génération, il y en a qui sont vraiment fortes, mais je sais pas. Ça me plaît pas comme les rappeuses américaines, en tout cas. C'est pas le même niveau. Sauf certaines. Bah, par exemple, la Laes, on a déjà pas mal parlé dans l'émission. Moi, j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait. En plus, elle a su créer un univers hyper original. Elle a une façon de rapper qui n'est pas commune. Dans son côté un peu cloud rap, un peu où elle mâche ses mots, on ne comprend pas trop ce qu'elle dit, on ne sait pas si elle rappe en anglais, en français des fois. Enfin, Et puis elle a des bons choix de prod et tout, et voilà, elle est sortie le son d'après en 2019 et c'était vraiment lourd. Mais toi, tu voulais nous parler un peu d'une rappeuse plus à l'ancienne. Ouais, je voulais parler d'une rappeuse à l'ancienne qu'à l'époque, quand c'était sorti, j'avais vraiment vraiment kiffé, c'est Rolka. Alors franchement, il doit pas y avoir beaucoup d'auditeurs qui connaissent Rolka, c'est pas pour faire un genre le mec il connaît, mais c'est juste que c'est pas très très connu quoi. Rolka, c'est une rappeuse qui avait été lancée par Parano Refrain Et Gilles Tismet et enfin toute la clique avec ALPHA et tout ça. C'est une rappeuse enfin de la Ouest finalement, Ouest français, enfin de cette mouvance Ouest français. Et du coup, elle avait sorti deux albums, il me semble. Je sais plus comment s'appelle le premier, le deuxième c'est Roll Kama Sutra, donc je m'en rappelle du coup. Et franchement, moi, ça m'avait fait délirer de ouf quand c'était sorti, parce que ça dénotait, tu vois, au moment où c'est sorti ça, il devait y avoir Diams qui passait en même temps, quoi, tu vois, donc, ouais. Enfin, même peut-être avant Diams, je sais pas, faudrait regarder la date de sortie de l'album, mais c'était ce côté, je trouve, rap américain, justement, un peu boss-femme, tu vois, pareil, mais à la française. Là, ça me dit 2008. 2008 ouais, pour l'album que tu voulais passer. Ouais, hein. Je pense que c'est peut-être un peu avant. Je sais pas, mais 2008, ça devait être Diams, hein, elle devait être là, hein, je pense. Hein, je sais plus. Fin... Si, elle était encore là. En tout cas, ça dénotait vraiment de ce qui se faisait de rap féminin français. Et alors, c'est pas du tout la meilleure rappeuse du monde, elle a zéro technique. Juste ce qu'elle raconte, c'est vraiment drôle. Et ça s'écoute comme ça assez facilement. Et surtout, ça donne des rictus, quoi. C'est vraiment c'est marrant. Quoi. Du coup, on va écouter Roule avec Rolka. Yeah. Et puis juste derrière, Jamaican and Something Else de Lala Ace. Deux salles, deux ambiances. C'est ça. Ouais, c'est le négro par ego, par à nos refrains. Soyez prêts à vous prendre en pleine face la nouvelle bombe de Panama. Girl. Si tu roules avec Rolka, ne dis pas ramener des popcars. Si tu roules avec Rolka, t'étonnes pas si tu te fais rocka. C'est le sexe, avec moi tu vas être servi. C'est moi Rolka, la super, la pizza, la grosse chubby. Des mecs, j'en ai à l'appel, ils sont tous comme des toutous. Pas question qu'on se roule des pelles, tant que t'as pas beauté minou, dis-toi. Je sens que t'en as autant envie que moi. Arrête de taper la branlette devant ton fumix à la noix. Tu veux de la foufoune, mais oui c'est bien douce. Tu veux de la bonne chou qui mouille dès qu'on la touche. Lâche-moi le clic, bébé, rentre bien ta langue. Si t'assures, je ramène des copines et on fait un gang-bang. Surtout bloque pas, détends-toi, tu vas voir comme c'est bon. Bouffe-moi tout bien à fond. Si tu roules avec Rolka, n'oublie pas ramener des podcasts. Si tu roules avec Rolka, t'étonnes pas si tu te fais rocka. Si tu roules avec Rolka, n'oublie pas ramener des podcasts. Si tu roules avec Rolka, t'étonnes pas si tu te fais rocka. Je t'ai vu, tu t'es retourné dès que t'as vu mon cul. T'es pas semblant lire ton journal, même ta femme se sent cocu. T'en as marre de ta vie de couple, ce qu'il te faudrait c'est une vraie tasse. Mais j'espère que t'es conscient qu'avec moi, tu vas devoir casquer. Je suis pas la fille zoulette que tu dragues du fait dans le métro. Si tu veux me pécho, faut savoir lâcher gros. Maquillé, parfumé, talons aiguilles, batte soit des bons. Un symbole va bien en forme, c'est la batte soit. Si je te donne un rencard, c'est pas pour taper un ciné. Emmène-moi dans un luxueux dîner. Et là, t'auras peut-être une chance de me limer. Mais si tu me saoules trop, sois sûr que tu ne tireras pas ton coup. Tu pourras juste me butiner comme un salaud. Si tu roules avec Rolka, n'oublie pas de ramener des podcasts. Si tu roules avec Rolka, t'étonnes pas si tu te fais rocka. Si tu roules avec Rolka, n'oublie pas de ramener des podcasts. Si tu roules avec Rolka, t'étonnes pas si tu te fais rocka. Alors, vite fait triper le bondard Rolka. C'est du bon, tu vois. Lèche-moi le clit, lèche-moi le clit, lèche-moi le clit, bébé. Si tu roules avec Rolka, n'oublie pas de ramener des podcasts. Si tu roules avec Rolka, t'étonnes pas si tu te fais Rolka. Si tu roules avec Rolka, lèche-moi le clit, bébé. Lèche-moi le clit, bébé. Lèche-moi le clit, bébé, bébé. soleil, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Et l'émission arrive à sa fin. Yes. Mais on va quand même vous passer encore une rappeuse prometteuse qui est dans le classement d'ailleurs, elle est 22e. Ouais, on va passer Asian Doll. C'est la première signature féminine du label de Gucci. Comme c'est son anniversaire, il faut quand même qu'on... C'est ça, on finit par... On finit par une petite dédicace, ouais. Et donc... Quelques mots sur Asian Doll, ouais. Ouais, c'est une rappeuse, je crois, qui vient du Texas, si je me trompe pas. Je vais quand même passer ma petite vérification. En tout cas, c'est la première artiste féminine à être signée sur son label, Brick Squad. Ouais. Ouais, c'est ça, la première artiste féminine. Elle est née en 96, donc elle a 23 ans. C'est quand même... C'est une jeune. Bon, après, elle est dans la même veine que les rappeuses un peu provocatrices et plutôt sexy, on va dire. Ouais. Non, mais elle fait le taf. Hein. Par contre, elle est assez énervée. Hein. Elle est assez énervée. Vous pouvez écouter son dernier projet qui est sorti. Je vais regarder ça tout de suite. Attends, là, c'est Flick qu'on va écouter, mais... Ouais. Je vais te dire ça tout de suite. Son dernier projet, il s'appelle Fight Night. Ouais. Exactement. Et il est sorti le 19 novembre. Donc voilà, mais celui-là était réussi. Mais celui qui avait vraiment, vraiment marché, c'était So Icy Princess qui était sorti en 2018. Ouais. Mais on vous laisse là-dessus. Yeah. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. In my feet, thinking we homies, I rockin' them sleep. Respect me and you gone in the week. Bitch, I'm on fleek. Look at my hair, nails in my feet. Thinking we homies, I rockin' them sleep. Respect me and you gone in the week. I'm in a G-Wag. My niggas got racks sagging. That Glock on his hip, no flash. Run up on me and they blast. Leave stains when I'm walking, I'm stepping, little bitch. Red bottom, but crippin', I'm rippin', little bitch. You can turn up, but watch you stepping, little bitch. Let's go. Moving funny, I'm checking the bitch. This shit. I was broke, so I wasn't expecting this shit. They be dissing, but I got a check to go get. You missing how your mama stressing this shit. If I fuck with you, count up your blessings, little bitch. Hold up, you bitches ain't fucking with dogs. I shut down your city if I make a call. Anyway, boom, knocking bitches off of the wall. Don't walk up to me, nigga, you gotta crawl. I'm playing these niggas like games. Can't fuck with you, nigga, you really a lame. Got more money than you, I'm out of your range. Go get you a Tesla for all of them chains. I want the bag, I don't care about the fame. I step on a bitch, I don't care about a name. You faking, I'm really, we never the same. Look at my hernias and my feet. Thinking we homies, I rockin' them sleep. Respect me and you gone in a week. Gone in a week. Bitch, I'm on fleek. Look at my hernias and my feet. Thinking we homies, I rockin' them sleep. Respect me and you gone in a week. Gone in a week. I'm with a real savage. You took and get killed. Tragic. You hatin' but watchin' this backwards. Scooter need hoes, no masters. I'm pretty but crazy, a Texas little bitch. He hood but top of me, neckin' me, bitch. Hoes mad, extra bitch. That nigga gon' come when I tell him, little bitch. Ayy, the brat. Fuck by no nigga, he all on my friend. After she treat him, he gone in the wind. Texting Rugas, make the whole nigga spin. Chanel and Prada, that's all I'm a cop. Dolce and Louis, my new nigga bought. Gucci from head to toe, all on my socks. Bitch, how you fucking but can't even pop? Get on my level or get on your knees. Killing these hoes, I don't let him breathe. Show him a little, he like when I tease. Up in the bed, you fucking the G. Turn off the lights, no cameras can't see. Ayy, I don't really trust these niggas. Ayy, I don't ever show no feelings. He act like a bitch, he'll talk to a pillar. Bitch, I'm on fleek. Look at my hernias and my feet. Thinking we homies, I rockin' them sleep. Respect me and you gone in a week. Gone in a week, bitch. Bitch, I'm on fleek. Look at my hernias and my feet. Thinking we homies, I rockin' them sleep. Respect me and you gone in a week. Gone in a week.